au mois de fin J'espère, je sais pas. Ben, j'imagine. Tu vas revenir, tu faisais tellement de bonnes jobs. Ben, j'aimais ça, mais j'aime ça parler des trucs que j'aime. Donc, ben j'espère revenir. Puis, bande à part aussi, des fois, je fais des chroniques comic book à la radio de Radio-Canada. Le vendredi à 19h. Non, 21h30, si je me souviens bien. Bon, ouais, fantastique. Fait que on se retrouve la semaine prochaine. Oh yeah. Salut. Bye. Retro Nouveau.